L'appelle le toit du monde, ou encore, plus poétiquement, le royaume des neiges. Il s'agit bien sûr du Tibet, si longtemps oublié et abandonné à son sort, et dont, heureusement, on commence à parler de plus en plus en Occident. Il y a aujourd'hui plus de 50 ans que cet immense pays, adossé aux plus hautes montagnes du monde et qui a été, au temps de sa splendeur, 6 fois grand comme la France, vit sous la botte chinoise. Depuis, on estime que 1 200 000 Tibétains ont payé de leur vie cette occupation militaire. En outre, la politique de colonisation active menée par Pékin fait planer une grave menace sur la culture tibétaine. Il y a en effet maintenant plus de Chinois au Tibet que de Tibétains. Les quelques villes et même la cité sacrée de Lhasa ont été victimes d'une urbanisation forcée qui les rend méconnaissables. Quant à la langue tibétaine que l'occupant répugne à enseigner, elle risque tout simplement de disparaître. À l'extérieur, le très populaire et très médiatique Dalai Lama, chef religieux et politique, se bat inlassablement pour que soient reconnus les droits de son peuple avant qu'il ne soit trop tard. Mais le poids politique et commercial de la Chine sur la scène internationale est tel que la plupart des États hésitent à prendre le parti de la cause tibétaine. Et pourtant, il n'en a pas toujours été de même. Au commencement de l'occupation chinoise et jusqu'au début des années 70, les États-Unis ont soutenu les Tibétains, mais dans le plus grand secret. Une histoire méconnue que M. X a choisi cette semaine de me raconter. Ne fais pas semblant de dormir. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous connaissez certainement les arguments qui permettent aux Chinois de justifier leur occupation du Tibet. Oui, ils prétendent que le Tibet a toujours été chinois. Oui, c'est à peu près ça. Depuis le XIIIe siècle, en tout cas. Et qu'en est-il? Eh bien, à cette époque, c'est la dynastie des Yuan qui règne sur la Chine. Et effectivement, l'empereur, qui est le petit-fils de Genghis Khan, passe une sorte d'accord de suzeraineté avec le grand lama tibétain qui l'a initié au bouddhisme. Mmh. Le Tibet devient donc le vassal de la Chine. Oui, mais ce que les Chinois oublient de dire, c'est que cette dynastie Yuan n'est pas chinoise, mais mongole. Les Mongols ont en effet envahi la Chine et se sont emparés du pouvoir. La réalité, c'est donc que les Tibétains ont accepté le protectorat des Mongols, un peuple avec lequel ils ont beaucoup d'affinités. Ouais, et donc, c'est pas le protectorat des Chinois qu'ils ont accepté. C'est la vérité historique. Mmh. Enfin, allons vite, je ne vais pas faire un cours d'histoire. Sachez simplement que la suzeraineté chinoise sur le Tibet, à la plupart du temps, était une pure fiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de véritable occupation? Non. Toutefois, les empereurs ont régulièrement envoyé là-bas des commissaires chargés de les représenter et quelques militaires. Mmh. Une tutelle plutôt légère, donc. Oui, mais quand même très mal vécue, tant les Tibétains étaient jaloux de leur indépendance. D'ailleurs, le pays n'a pas simplement dû faire face aux convoitises chinoises, mais aussi à la fin du XIXe siècle, aux appétits russes et britanniques. Toutefois, au début du siècle suivant, le Tibet, par la voix du 13e Dalai Lama, s'est déclaré indépendant. Vous voulez dire au début du 20e siècle. Et c'est une indépendance reconnue par la communauté internationale? Généralement, oui. Et jusqu'en 1950, plus aucune troupe chinoise ne stationnera dans le pays. Mais est-ce qu'à Pékin, on avait renoncé? Non, jamais. Et les Tibétains le savaient bien. Mais jusque-là, pardonnez-moi l'expression, la Chine avait d'autres chats à fouetter. La révolution, la fin de l'Empire, puis l'invasion japonaise et ensuite l'irrésistible ascension des communistes. Ouais, la longue marche. Oui, et c'est en octobre 49 que Mao Zedong entre à Pékin en triomphateur. Et dès l'année suivante, l'armée populaire chinoise va envahir le Tibet. Le prétexte, c'est la libération du peuple tibétain. La libération de quoi? Pékin affirme que les Tibétains sont exploités par leurs dirigeants et une société demeurée féodale où existe encore le servage. C'est vrai ça? En partie, oui. La société tibétaine de l'époque ne brille pas par son progressisme. C'est encore un pays fermé où les mœurs sont demeurées archaïques. Et ça s'explique en partie par la géographie. Je crois que l'altitude moyenne du Tibet est de 4000 mètres. Difficile dans ces conditions de s'ouvrir au progrès. Mmh. Enfin, c'est quand même une armée d'occupation qui se propose de, selon l'expression, là, de libérer les Tibétains. Oui, oui, le prétexte ne fait pas illusion. Mmh. Et comment les autorités tibétaines réagissent-elles? À côté du puissant voisin chinois, le Tibet est un nain avec ses quelques millions d'habitants. D'autre part, l'armée tibétaine n'est forte que de 8000 hommes. Elle n'a donc pas la capacité de faire face. Alors à Lhasa, on lance un véritable appel au secours en direction des pays occidentaux et de l'Inde, son autre voisin. Mmh. Un appel écouté? À peine. Non, il faut dire que simultanément la guerre de Corée éclate. Et ce dernier conflit va beaucoup plus mobiliser l'opinion internationale que l'occupation du Tibet. Mmh. Ça signifie que cette guerre de Corée, au fond, tombe plutôt bien pour les Chinois? Incontestablement, ils peuvent perpétrer leur mauvais coup dans la plus grande discrétion. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Mmh. Vous voulez dire qu'il y aurait pu avoir un lien entre l'invasion du Tibet et le déclenchement de la guerre de Corée? Pourquoi pas? Rappelez-vous que ce sont les Nord-Coréens, communistes, qui ont pris l'initiative d'attaquer le Sud. Et il m'étonnerait fort que le gouvernement chinois n'ait pas su à l'avance que leurs alliés de Pyongyang allaient passer à l'action. Mais tout de même, tous ces États qui ont été sollicités, appelés à l'aide par les autorités tibétaines, aucun n'a réagi. C'est le petit Salvador qui a essayé d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais pour des raisons diverses, les grandes puissances ont refusé. Les Américains, déjà très engagés en Corée, ont sans doute voulu ménager la Chine. Ouais, ce qui n'empêchera pas Mao d'envoyer des centaines de milliers de soldats combattre en Corée. Hein. C'est juste. La Grande-Bretagne, elle, s'est purement et simplement désintéressée du dossier. Quant au voisin indien, il a préféré ne pas se mêler de cette affaire susceptible d'aggraver la situation au Tibet, surtout qui risquait de tourner en un conflit élargi dans la région. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'Inde n'avait pas envie d'entrer en guerre avec la Chine. Exactement. Ouais. Puis il y avait aussi des considérations stratégiques qui pouvaient s'opposer sérieusement à l'entreprise chinoise dans ce pays inhospitalier et montagneux. Mmh. Donc j'ai compris, on a préféré fermer les yeux. Oui, et puis disons-le franchement, le Tibet n'intéressait pas grand monde. Et reconnaissons que fondamentalement, ça n'a pas beaucoup changé puisque les Nations Unies n'ont toujours pas débattu de la question tibétaine. À cause de l'opposition de la Chine? Naturellement. Et surtout parce qu'on ne veut pas fâcher Pékin. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce que malgré cet isolement diplomatique et la faiblesse de l'armée tibétaine, il y a eu une résistance? Bien, d'abord, il faut dire que malgré leur infériorité en nombre et en matériel, les soldats tibétains se sont bien battus. Mais on a aussi assisté à des opérations de harcèlement de l'armée chinoise par des partisans appartenant le plus souvent à des tribus nomades. Et les autorités politiques? Le Dalai Lama n'avait alors que 15 ans. Un mot peut-être sur sa fonction. Le Tibet, au moins jusqu'en 1950, est une théocratie dirigée par le Dalai Lama et deux autres chefs religieux qui lui sont soumis, le Panchen Lama et le Karmapa. Théocratie, donc il exerce des pouvoirs à la fois religieux et politiques. C'est ça, oui. Et c'est ce petit-fils de Gengis Khan, dont je vous ai déjà parlé, qui lui a conféré ce pouvoir temporel. Mais les Dalai Lama ont souvent délégué ce pouvoir à un régent ou au gouvernement. Autre chose, le Dalai Lama, vous ne l'ignorez pas, est censé être la réincarnation d'un religieux du XIe siècle qui a réformé l'église bouddhique. Il est choisi, enfant, ou plutôt reconnu, à l'issue d'un processus très complexe. Et en 1950, cet adolescent de 15 ans est la 14e réincarnation de ce moine. Et c'est le Dalai Lama actuel qui vit en exil. Oui, en Inde, à Dharamsala, pas très loin de la frontière avec le Tibet. À l'époque, son très jeune âge pose problème parce que la tradition tibétaine fixe à 18 ans la majorité du Dalai Lama. Mais il y avait urgence et exceptionnellement, on a confié tous les pouvoirs à cet adolescent. Lourde responsabilité, hein ? Excessive, oui. Et comme on craint que les Chinois, qui ne sont pas encore arrivés à Lhasa, la capitale religieuse et politique, ne le capturent, le Dalai Lama s'enfuit dans une localité située près de la frontière indienne. Mais du côté tibétain ? Oui, et cette fuite a sans doute constitué une erreur. Parce que pendant l'absence du Dalai Lama, une délégation tibétaine se rend à Pékin, et sous la menace, elle doit signer un accord avec les autorités chinoises. Un accord de soumission ? Bien entendu. Les délégués acceptent que le Tibet passe sous le joug chinois. Pékin concède seulement au pays une autonomie en ce qui concerne quelques affaires intérieures. Autonomie qui ne sera guère respectée. En réalité, ce sont les Chinois qui vont régner sans partage, en commençant par dépecer le Tibet, d'où sont détachés deux des provinces les plus importantes. Et le Dalai Lama, alors ? Il n'a pas été associé à cette pseudo-négociation. Et quand il revient à Lhasa au cours de l'été 1951, il est trop tard. Mais il est mis devant le fait accompli. En quelque sorte. Et il donne l'impression d'approuver l'accord signé à Pékin. D'autant que la pression chinoise va s'accentuer. La capitale, Lhasa, encore épargnée, est occupée à l'automne 1951. Ça veut donc dire que le Dalai Lama est prisonnier chez lui. Oui, mais les Chinois ne sous-estiment pas son influence sur un peuple qui le vénère. Et habilement, il lui concède une certaine liberté. Une liberté trompeuse, car dans le même temps, sous couvert de procéder à des réformes démocratiques, ils mettent la main sur toutes les structures du pays. J'ajoute que cette occupation se traduit aussi par une famine, les Tibétains devant se sacrifier pour nourrir les troupes d'occupation. Et tout cela, alors, ça se passe sans que la communauté internationale ne proteste. Oui, apparemment, en tout cas. Parce que dans l'ombre, des hommes s'agitent quand même. Ah bon, qui alors ? Les Américains et leurs protégés, les nationalistes chinois de Formose. Ce qui va permettre la naissance d'une guérilla anticommuniste au Tibet. Et très étrangement, ce soutien américain clandestin trouvait sa source dans des contacts pris 10 ans plus tôt en pleine guerre entre les Tibétains et des agents de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Je Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les Tibétains ont toujours craint les Chinois. Et c'est sans doute pour cette raison qu'ils ont choisi très tôt de se tourner vers les Mongols et de demander leur protection. Ainsi, dans la première moitié du XXe siècle, alors que le Tibet vit une de ses rares périodes d'indépendance totale, le 13e Dalai Lama, avant de mourir, met en garde ses compatriotes dans un testament prémonitoire. Je le cite. Présentement, en temps de paix et de bonheur, quand le pouvoir vous appartient, travaillez avec conscience et de tout cœur au bien commun. Usez de méthodes pacifiques lorsque c'est juste. Utilisez la force si nécessaire. Œuvrez et persévérez maintenant afin qu'il n'y ait point de regrets plus tard. Entre vos mains, vous, fonctionnaires du gouvernement, vous, détenteurs des enseignements, et vous, mon peuple, repose le futur du pays. Durant ma vie, les conditions demeureront ce qu'elles sont aujourd'hui, paisibles et tranquilles. Mais l'avenir est porteur de ténèbres et de misères. Les institutions du Dalai Lama et du Panchen Lama, les incarnations vénérables et les protecteurs des enseignements seront tous complètement balayés. Les monastères seront pillés, les propriétés confisquées et les êtres vivants détruits. Les biens des fonctionnaires seront séquestrés, eux seront esclaves des conquérants et contraints d'errer en servitude. Toutes les âmes sombreront dans la souffrance, longue et noire sera la nuit. Certes, l'affaire est anecdotique, mais elle mérite d'être contée. On est alors en 1942, et les Américains veulent faire passer des armes aux Chinois qui luttent contre les Japonais. Ils imaginent de les acheminer en Inde, puis de les faire transiter par le Tibet. Oui, mais il faut l'autorisation des Tibétains. Bien évidemment, et deux agents de l'OSS, dont l'un n'est autre que le petit-fils de l'écrivain russe, Léon Tolstoï, sont chargés de se rendre à Lhasa. Et c'est une véritable expédition. Mais à cause de l'isolement du pays, là. Oui, les deux Américains vont mettre plusieurs semaines pour atteindre le toit du monde. Ouais. Et le résultat? Les deux hommes sont chaleureusement accueillis par les Tibétains et le petit Dalai Lama. Je dis petit parce qu'il n'a encore que 7 ans. Mais les Tibétains opposent un refus catégorique à la proposition américaine. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne veulent avoir aucun rapport avec les Chinois et qu'ils ne supportent pas l'idée que ces derniers puissent entrer chez eux pour réceptionner les armes. C'est très symptomatique quand même de l'hostilité entre les deux pays. Certainement. Toutefois, la mission des Américains n'est pas entièrement négative, bien au contraire. Car outre les cadeaux traditionnels qu'ils ont remis au Dalai Lama, ils ont aussi apporté dans leur bagage 3 postes radio qui permettront d'établir une liaison permanente entre le Tibet et les États-Unis. Et est-ce que cette liaison existait toujours, enfin, quelques années plus tard, lorsque les Chinois envahiront le Tibet? On peut le penser. Donc les Américains ont très vite été au courant. Oui. Hein, ouais. Bah, ça n'a pas servi à grand-chose, hein, puisque, m'avez-vous dit, Washington n'a pas agi. Oui, vous avez raison. Officiellement, en tout cas, parce que les Américains savaient très bien qu'ils ne pourraient pas déloger les Chinois du Tibet. Mais rien ne les empêchait de leur créer quelques difficultés, et c'est ce qu'ils vont faire. Mais de quelle façon? Alors, en soutenant clandestinement la résistance tibétaine, c'est ça? Oui. Alors attendez, avant d'aller plus loin, quelle était la position du Dalai Lama? Le chef tibétain, par conviction, avait choisi de résister pacifiquement. Et c'est encore sa position aujourd'hui. Une position très modérée. Le Dalai Lama ne réclame pas l'indépendance de son pays, mais simplement son autonomie au sein du grand ensemble chinois. Toutefois, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, on peut se demander s'il ne jouait pas un double jeu. Qui veut dire? Deux hommes vont assurer les contacts secrets avec la CIA. Deux hommes qui ne sont autres que les propres frères du Dalai Lama. Alors, on peut se poser des questions. Pensez qu'il ne pouvait pas, enfin le Dalai Lama, ne pouvait pas ne pas savoir ce que faisaient ses frères? On me le demande. Mais je dois la vérité de dire que le Dalai Lama a toujours affirmé qu'il avait longtemps ignoré l'action de ses frères. Et même qu'il l'avait désapprouvé lorsqu'il avait été mis au courant. Admettons. Bon, même s'il a joué un double jeu, comme vous dites, je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Hein. Après tout, son pays était occupé. C'est juste. C'était peut-être une sorte de répartition des tâches. Lui demeurait à Lhasa, résistait pacifiquement, tandis que ses frères à l'étranger contribuaient à aider la résistance armée. Parce qu'ils avaient fui le Tibet. Oui, très rapidement. Ils étaient passés en Inde, puis l'aîné était parti pour les États-Unis où on lui avait accordé le statut de réfugié politique. Alors, la résistance, quand même. Il faut d'abord dire qu'elle n'avait jamais cessé. Malgré la répression et les déportations, des petits groupes continuaient de harceler les militaires chinois. Ils étaient encouragés par la brutalité de l'occupation. Des milliers de monastères avaient été détruits. Or, Avant l'invasion chinoise, le tiers de la population vivait dans ces monastères. Il faudrait encore parler du travail forcé ou des exactions de toute nature. Mais est-ce que ces groupes de résistants là, pouvaient durablement mettre en difficulté l'armée chinoise ? À l'évidence, non. Là, il fallait les aider ? Et on peut imaginer que le très bon accueil qui avait été réservé aux deux émissaires de l'OSS en 1942 a laissé des traces. En tout cas, assez vite, le gouvernement américain charge la CIA d'étudier tous les moyens susceptibles de porter assistance aux résistants tibétains. Seule réserve, ces actions doivent rester rigoureusement secrètes. Les Américains ne veulent pas apparaître. Non. Ce qui signifie que d'une façon inavouée, ils reconnaissent les droits de la Chine sur le Tibet, puisqu'ils ne veulent pas agir à visage découvert. C'est malheureusement vrai. Mm-hmm. Alors comment s'y prennent-ils ? La première idée, la plus naturelle, a été d'envisager des parachutages d'armes à destination des résistants tibétains. Mais encore fallait-il savoir où ils se trouvaient. Or, je vous le rappelle, le Tibet se trouvait dans un état d'isolement presque total. L'opération s'avérait donc très complexe, car il était important avant toute chose de mettre en place un système de liaison. Sous quelle forme, ça ? Des liaisons radio. Les hommes de la CIA ont donc formé une poignée de Tibétains réfugiés en Inde aux techniques de transmission radio et de codage. Puis ces hommes, munis de leurs émetteurs, sont retournés au Tibet. Et comment ont-ils passé la frontière ? Non, mais écoutez, je ne sais pas exactement. Le franchissement de la montagne avec les émetteurs ne devait pas être facile. Alors ces résistants ont sans doute été parachutés. Mais ce que je veux souligner, c'est que dans toutes ces opérations très délicates, les frères du Dalai Lama ont joué un grand rôle. Le recrutement des hommes ? Et aussi de leur grande influence auprès des Tibétains. Autre difficulté, il fallait aussi obtenir la discrète coopération de l'Inde. Non, ça ne devait pas être trop difficile, hein, parce que l'Inde ne devait pas beaucoup apprécier la présence chinoise à ses frontières. Oui, c'est certain. Pour les Indiens, le Tibet indépendant était un excellent état tampon. Alors l'occupation chinoise les inquiétait, effectivement. Et d'ailleurs, au fil des ans, les incidents se multiplieront dans les zones frontières pour aboutir au conflit de 1962. La guerre entre l'Inde et la Chine. Donc il est vrai que l'Inde avait objectivement intérêt à favoriser les desseins américains, mais pour ne pas provoquer la Chine, elle se devait, elle aussi, de respecter un minimum de discrétion. Et à partir du moment où les liaisons ont été établies avec les maquisards, les liaisons radio, les parachutages ont eu lieu ? Oui, mais une précision d'abord. Les Américains, pour mieux préparer ces missions, ont aussi procédé à des repérages de la région grâce à leur fameux avion espion U-2. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est au début de 1957 que ces opérations ont réellement commencé. Des opérations très risquées, effectuées d'abord avec des B-17. Les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter tout risque d'identification. Les avions qui décollaient de Dhaka, l'actuelle capitale du Bangladesh, étaient entièrement peints en noir. Et les équipages ne comportaient aucun Américain. La CIA, enfin, je crois qu'on en a déjà parlé un jour, je ne sais plus quand, disposait alors d'une compagnie d'aviation dans le sud-est asiatique. Ouais, une vraie compagnie. Oui, on peut dire. Air America, ça sera son nom à partir de la fin des années 50. On pouvait aussi effectuer des vols commerciaux. Toutefois, sa vraie raison d'exister, c'était d'assurer un soutien aérien à toutes les opérations clandestines de la CIA. Et Air America sera très utilisé pendant la guerre du Vietnam. Ouais. Enfin, je reviens à ce que je disais. Ces vols au-dessus du Tibet, le vrai danger était ailleurs. Ah, mais le franchissement de l'Himalaya, j'imagine. Et l'absence de carte. Ajoutez que ces vols se déroulaient de nuit lorsque le temps était clément et qu'il y avait suffisamment de lune pour naviguer à vue. Ensuite, imaginez le largage sur des zones très étroites. Et puis il y avait le retour aussi. Avec à nouveau le vol au-dessus des montagnes les plus hautes du monde. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, les Américains ont réussi à larguer plusieurs centaines de tonnes d'armes légères. Mais pas n'importe lesquelles. Car là encore, il ne fallait pas qu'on puisse soupçonner les États-Unis. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Dans un livre de mémoire paru chez Fayard en 1990, le Dalai Lama évoque l'action de ses deux frères. On est alors en 1957 et il a reçu l'autorisation de se rendre en visite officielle en Inde. Ses deux frères vont le voir. Le Dalaï Lama raconte. Mes frères refusaient catégoriquement d'entendre parler de mon retour. Tous deux étaient des hommes déterminés et persuasifs. Ils ne pouvaient comprendre mes hésitations. Pour eux, la menace qui pesait sur le peuple tibétain exigeait que l'on s'opposât aux Chinois par tous les moyens. Et le meilleur moyen, pour moi, de contrecarrer leur plan, était de demeurer en Inde. Il serait temps alors de chercher une aide extérieure dont ils ne doutaient pas qu'on pourrait l'obtenir facilement. Les États-Unis, ils en étaient sûrs, nous accorderaient leur soutien. Bien qu'il ne fût alors nullement question d'une lutte armée contre les Chinois, mes frères avaient, à mon insu, pris contact avec la CIA. Apparemment, les Américains étaient disposés à fournir une aide limitée aux combattants tibétains pour la liberté. À cette fin, ils devaient nous parachuter des armes et former certains des nôtres aux techniques de la guérilla. De tout cela, mes frères évitèrent soigneusement de me parler, sachant trop bien quelle eût été ma réaction. Quand je leur eus déclaré que malgré leur logique, leurs arguments ne me convainquaient pas, Jalo Tondup commença à montrer des signes d'impatience. Il était et demeure le plus ardemment patriotique de mes frères. Il sait ce qu'il veut et son caractère volontaire le rend facilement entêté. Mais son cœur est bon. Thaksin Rinpoché, lui, a des manières plus douces. Mais sous son air calme et jovial, il est tout aussi inflexible. Le livre du Dalaï Lama est intitulé « Au loin, la liberté ». Alors ces armes ben, vous l'avez compris, elles ne pouvaient pas être américaines. Par conséquent, la CIA a dû mettre sur pied tout un réseau de collecte d'armes, principalement des armes nazies. C'est d'ailleurs ainsi qu'un jeune agent de la CIA fait ses débuts, Sam Cumming. Ah oui, le célèbre marchand d'armes. Oui, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Ah, bon. Donc ces armes sont parachutées. Est-ce qu'elles vont permettre aux patriotes tibétains de lutter efficacement contre l'armée chinoise d'occupation ? Il y avait alors environ 150 000 militaires chinois présents au Tibet. Les résistants pouvaient difficilement imaginer les chasser. Mais c'est vrai, ils ont mené quelques actions assez spectaculaires avec les moyens dérisoires dont ils disposaient. La conséquence, ça a été la recrudescence de la répression, les exactions contre la population et la destruction de nombreux monastères. C'était plutôt une guerre de harcèlement. Oui, une guerre courageuse, mais sans espoir face au rouleau compresseur chinois. Les résistants tombaient par centaines. Alors les Américains ont eu une autre idée. Comme manifestement, les combattants tibétains manquent, non pas de courage, mais d'entraînement aux techniques de la guérilla. La CIA décide de prendre les choses en main et monte une opération secrète qui n'a été révélée que très récemment. Quoi s'agit-il, là ? Des dizaines de résistants tibétains sont encouragés à passer la frontière. Puis ils sont embarqués dans des avions américains et envoyés dans le plus grand secret aux États-Unis. Eux-mêmes ne savent pas où ils vont atterrir, car les hommes de la CIA ont pris soin d'obturer les hublots et de leur distribuer des somnifères. Quel excès de précaution, hein ! Oui, mais ça ne trompe guère les Tibétains. La plupart ont deviné que c'est en Amérique qu'on les envoie. En Amérique où a été aménagée une base secrète dans les Rocheuses. Et pour bien isoler l'endroit et éloigner les curieux, la CIA fera courir le bruit qu'on y procède à des expérimentations atomiques. Et cette base, c'est un camp d'entraînement ? Bien sûr. Pendant de longs mois, les Tibétains apprennent tout ce que doit savoir un guérillo. Puis ils sont réexpédiés en Inde ou directement parachutés au Tibet. Et combien d'hommes ont été ainsi formés ? On estime qu'il y en a eu à peu près 400. Une goutte d'eau dans la mer. Je suis d'accord avec vous, mais ça correspondait très bien à la stratégie poursuivie par les Américains. Je vous expliquerai dans un moment, si vous voulez bien. Il n'empêche que, malgré les lourdes pertes que subit la résistance, la rébellion continue, et c'est l'essentiel. La tension atteint son apogée au printemps 1959. Pour fêter le nouvel an, 100 000 Tibétains arrivent à Lhasa en murmure alors que les Chinois veulent enlever le Dalaï Lama. C'est vrai ? Oui. Et c'est la véritable raison de cet afflux de population dans la capitale. Au même moment, les autorités chinoises invitent le Dalaï Lama à assister à un spectacle de danse. Toutefois, on lui demande de venir seul, sans son escorte habituelle. C'est assez clair, ça. Bien sûr. Alors le Dalaï Lama refuse. À partir de cet instant, il est évident que le chef religieux est en danger. Des milliers de Tibétains se groupent devant son palais. Pour le protéger. Et simultanément, malgré la présence militaire chinoise, des émeutes éclatent dans les rues de Lhasa. Le Dalaï Lama profite de cette confusion pour fuir en pleine nuit déguisé en soldat. Mais il n'est pas seul. Non, il est accompagné par quelques fidèles. Tous ces événements ne doivent rien au hasard, j'imagine. Bien entendu, la fuite du Dalaï Lama a été préméditée et bien préparée. La petite troupe se dirige à marche forcée vers la frontière indienne. Le Dalaï Lama veut se réfugier en Inde ? Il aurait, semble-t-il, préféré trouver refuge dans une région isolée au sud du Tibet. Mais ceux qui sont à l'origine de cette affaire ne l'entendent pas ainsi. Il faut que le Dalaï Lama passe à l'étranger. pour des raisons politiques évidentes, car cette évasion va apparaître comme une gifle pour les occupants chinois. Mmh. Alors, selon vous, quels sont ceux qui ont organisé cette fuite? Les Américains ne sont pas étrangers à l'affaire. Cela faisait longtemps qu'ils voulaient que le Dalai Lama fuit son pays. Ils lui avaient fait savoir à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire de ses frères. Mais le Dalai Lama avait toujours refusé, préférant demeurer au Tibet pour résister pacifiquement, comme il disait. Alors les Américains, en relation étroite avec l'entourage du Dalai Lama, ont profité de cette rumeur d'enlèvement par les Chinois. Et le chef religieux a fini par consentir. Savait-il qu'en agissant ainsi, il était peut-être manipulé par la CIA? Je n'en sais rien. Il faudra peut-être le lui demander. Pourquoi pas? Par contre, ce que je sais, c'est que parmi les hommes qui l'ont accompagné dans sa fuite se trouvaient deux agents de la CIA. L'un était son cuisinier et l'autre était un opérateur radio. Ce qui, entre parenthèses, a permis aux Américains de suivre jour après jour l'équipée du Dalai Lama. Mmh. Ce dernier arrive donc en Inde. Et il s'installe avec ses fidèles à proximité de la frontière tibétaine. Mmh. Quelles sont les conséquences de cette fuite? Les Chinois sont naturellement furieux. Ils accusent, enfin c'est la langue de bois traditionnelle, les impérialistes étrangers, complices des rebelles, d'avoir enlevé le Dalai Lama, et en même temps, la répression redouble. Mais il fallait s'y attendre, le prétexte était tout trouvé. Est-ce qu'après cette évasion, les opérations clandestines de la CIA vont continuer? Oui, mais enfin elles vont peu à peu changer. Les Américains vont par exemple choisir d'aider à l'organisation de bases militaires tibétaines situées à l'extérieur du pays, au Népal en particulier. C'est à partir de ces bases que les résistants tentent des coups de main audacieux contre les Chinois. Mais ce sont des piqûres d'aiguilles, si je puis dire. En tout cas, les Américains n'ont aucune difficulté à recruter, car dans les années 60, la révolution culturelle chinoise déferle aussi sur le Tibet. Ça se traduit comment, ça? C'est terrible. Les gardes rouges pillent les principaux monuments tibétains et les détruisent. Les terres sont collectivisées, les populations déplacées, et les opposants sont envoyés dans des laogai, c'est-à-dire des camps de travail. Ouais, c'est l'équivalent chinois du goulag. Oui. Et ils y sont, comme on disait, rééduqués. Ça veut dire que les réfugiés affluent aux frontières. Mmh. Et ce soutien américain, alors, à la résistance tibétaine, se poursuit jusqu'à quelle date? 1970. C'est l'année où elle cesse pratiquement du jour au lendemain. Et pourquoi? Rappelez-vous, c'est l'année où progressivement les États-Unis vont se rapprocher de la Chine. Ah, c'est parce que Richard Nixon veut jouer la Chine contre l'URSS. Naturellement, ils ne peut donc pas laisser les Chinois l'accuser d'aider les rebelles tibétains. Les résistants sont donc abandonnés à eux-mêmes, froidement. C'est le réalisme politique. Ouais. À noter d'ailleurs qu'au nom de ce même réalisme, l'URSS parachutera des armes aux partisans tibétains, mais en quantité beaucoup moins importante que les Américains. Et en dépit de ce lâchage américain, parce qu'il faut bien le dire, la résistance se poursuivra? Oui. En 1987, puis en 1989, les Tibétains se soulèveront, mais la réaction chinoise sera impitoyable. Je vous rappelle que depuis le début de l'occupation, plus d'un million de Tibétains ont trouvé la mort. Mais ce qui fera date, c'est la remise du prix Nobel de la paix au Dalai Lama en 1989. C'est à partir de ce moment que l'opinion internationale commence à s'émouvoir, sans que la Chine ne change de position, évidemment. Alors tout à l'heure, vous vous proposiez de m'expliquer la stratégie américaine. C'est très simple. Au fond, les Américains se moquaient du Tibet comme d'une guigne. Ah bon? Enfin, s'ils sont intervenus là-bas et de façon relativement modeste, c'était uniquement pour tenter de déstabiliser le régime de Pékin. Alors vous voulez dire qu'ils n'ont vraiment jamais envisagé sérieusement d'aider le Tibet à devenir indépendant? C'est la vérité. Ils se sont servis des Tibétains, un point c'est tout. Dans un article du journal genevois Le Temps, Étienne Dubuis confirme en partie ce propos en mars 1999. Il explique. Les maquisards réalisent quelques opérations de sabotage, coupent des lignes de communication, tendent des embuscades à de petites unités ennemies. Un jour, ils parviennent aussi chanceusement à mettre la main sur des documents officiels décrivant l'état général de la Chine et démontrant de manière évidente l'échec du grand bond en avant, ce dont Washington doutait encore à l'époque. Cet exploit relance l'attrait de la guérilla aux yeux de la Maison-Blanche, mais faute d'autres résultats probants, pas pour longtemps. Le Dalai Lama explique très justement dans ses mémoires que les États-Unis aidaient les combattants tibétains, non par souci de l'indépendance du Tibet, mais dans le cadre de l'effort général qu'il menait pour déstabiliser les gouvernements communistes. Analyse confirmée par deux spécialistes américains du renseignement, Victor Marchetti et John D. Marks, dans leur ouvrage « La CIA et le culte du renseignement ». Alors que les spécialistes de la CIA laissaient croire aux Tibétains qui suivaient leur stage de formation qu'ils partiraient incessamment à la reconquête de leur pays natal, écrivent-ils, bien rares étaient les fonctionnaires de la CIA qui pouvaient effectivement se persuader que cette éventualité avait quelque chance de se produire. samedi prochain et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et vous pourrez aussi obtenir des informations biographiques et discographiques.